le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Grèce antique, Grèce rêvée. Que dit un universitaire à un autre universitaire qui part en Grèce pour participer à un colloque sur les cités de la mer Égée et particulièrement sur l'île de Lesbos ? C'est gras. Pourquoi un étudiant à la fin d'un cours se précipite vers l'enseignant pour demander « Dites donc, c'est vrai que tous les Grecs étaient homosexuels et qu'ils étaient pédophiles ?» Et pourquoi ne peut-on pas faire jouer Platon en deuxième division ? Ben voilà, autant d'interrogations auxquelles est confronté l'helléniste, le spécialiste de la Grèce antique. Patrice Brun, bonjour. Bonjour. Ce que je viens d'évoquer ici, ces questions auxquelles est confronté l'helléniste, ouvre votre ouvrage « L'invention de la Grèce ». Vous êtes spécialiste de la Grèce antique, vous avez été confronté à ces questions. Et absolument, et comme vous l'avez signalé au début, de la part de collègues, qui, au moment où je travaillais sur les cités de Lesbos, m'ont dit que quand j'allais y aller, je n'irais pas au moins pour m'embêter. Donc effectivement, alors c'était évidemment, il faut le prendre d'un point de vue comique, mais enfin, ça dénote un arrière-plan culturel qui est quand même assez lourd. C'est cet arrière-plan culturel qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Comment la Grèce antique a été inventée? L'invention de la Grèce, vous le dites bien. Cette invention de la Grèce passe par la politique. C'est essentiel, vous faites des références politiques sans cesse. Vous n'avez qu'à ouvrir vos yeux en lisant les articles de journaux ou ouvrir vos oreilles en écoutant la radio. C'est-à-dire que tout notre vocabulaire politique vient du grec. Que ce soit la démocratie, alors le démos, le peuple, police, la cité. Je dirais la plupart de nos mots viennent du grec. Et on a tendance à croire que la similitude des mots signifie aussi similitude des concepts. Or là, c'est source de graves malentendus dans notre société actuelle. Je dirais pas que dans notre société, puisque on peut dire que ces malentendus ont commencé dès l'Antiquité. Oui, dès l'Antiquité, il y a toute une complexité autour de l'utilisation de ces mots, parce que nous le savons tous, le mot même démocratie qui est au centre de notre vie politique est une notion complexe, aujourd'hui encore. Alors, parler de la démocratie antique, je ne peux pas dire que c'est un non-sens, mais cela nécessite tout de suite des précautions. Où, quand, pourquoi ? C'est-à-dire que, ne serait-ce comme vous l'avez dit maintenant, le terme de démocratie ne signifie pas du tout la même chose selon qu'on est dans des démocraties parlementaires actuelles ou que, par exemple, on est dans des démocraties dirigées ou les démocraties populaires. Il faut quand même bien voir que le général Pinochet utilisait le terme de démocratie dirigée pour parler du régime qu'il avait mis en place, du régime dictatorial qu'il avait mis en place. Autant dire que le mot nécessite effectivement d'être affiné très largement selon les régions et selon les temps. Les démocraties populaires, effectivement, nous savons bien que ces démocraties populaires étaient vraiment problématiques. Question démocratie, mais pour l'Antiquité elle-même, la démocratie, ce n'est pas l'ensemble de la Grèce. Nous parlons de la démocratie dans la Grèce antique. Là aussi, l'historien que vous êtes, Patrice Brun, a tout de suite envie de recontextualiser où et quand. Alors, ce que nous, hommes du XXIe siècle et femmes du XXIe siècle, considérons comme démocratie, on parle essentiellement d'Athènes. Et d'Athènes, on va dire, au 5e et au 4e siècle avant notre ère. Même s'il y a eu d'autres démocraties, comme par exemple à Argos ou à Syracuse, il y avait des démocraties, mais elles ont laissé peu de traces dans la littérature. Or, la démocratie athénienne a laissé un nombre considérable, à l'échelle évidemment des sources de l'Antiquité, a laissé un nombre considérable de textes, de références, et qui sont autant de références culturelles qui ont largement marqué les temps futurs. Le terme de démocratie s'est entendu ensuite à l'époque hellénistique, alors que la plupart des cités étaient dominées par des souverains, les Séleucides, les Lagides, Alexandre. Ça fait rien. On a parlé de démocratie parce que c'était le modèle normal de toute cité, qui s'écartait de ce que les Grecs avaient en horreur, c'est-à-dire la tyrannie. Si nous nous plaçons aujourd'hui, au lieu de partir de l'Antiquité, essayer de voir l'évolution du mot démocratie, partons d'aujourd'hui. La démocratie actuelle, toujours mise en référence avec la démocratie grecque, nous vient d'où ? À quel moment cette Grèce a été inventée ? Je dirais que cette Grèce a été inventée par les Grecs dès l'Antiquité. Lorsque, par exemple, on voit avec l'historien Xénophon, au IVe siècle, commence à inventer ce qu'a été Sparte. Puis ensuite, on va sauter allègrement quelques siècles, et on voit Plutarque qui invente ce qu'est sa démocratie grecque et sa démocratie athénienne. Il fait des pseudo-biographies de Thésée, par exemple, qui est des biographies de Solon et de tous les grands hommes politiques athéniens du 5e siècle. Et à chaque fois, il leur accorde le terme de démocrate, avec des sens qui vont évidemment forcément varier, selon évidemment la manière dont Plutarque va serrer ses personnages. Thésée est un personnage complètement mythique, hein, mais qui, au IVe siècle de notre ère, avant notre ère, pardon, passait pour avoir été l'inventeur de la démocratie. Donc on peut dire que les Grecs eux-mêmes ont rêvé déjà la démocratie. Alors, quand on voit par exemple les révolutionnaires français parler de la Grèce avec les termes de Plutarque, on peut dire qu'ils ont rêvé déjà sur un rêve. Autant dire que, à partir du XIXe siècle, la démocratie athénienne a pris des allures, je dirais, de fantasmes, dont les contours étaient extraordinairement imprécis, d'où la facilité avec laquelle, la plasticité avec laquelle on a pu l'utiliser. Dans le cas français, la Troisième République, à la fin du XIXe siècle, est un moment important. La République réfléchit à la démocratie, bien sûr, et elle fait référence à la démocratie rêvée, fantasmée, celle de l'Antiquité. Exactement. Et on voit très bien, je dirais surtout, alors la Troisième République l'a d'autant fait plus facilement qu'elle avait en face d'elle l'Empire allemand, qui lui avait rêvé Sparte. Et on voit très bien qu'au XIXe siècle, la fin du XIXe, on va dire jusqu'en 1945, il y a un fossé entre les savants allemands et les savants français, qui les uns idéalisent Sparte et les autres qui idéalisent Athènes. Tout ça, évidemment, pose problème à l'historien d'aujourd'hui, qui est, je dirais, nous sommes maintenant quand même beaucoup moins pris par ces jeux nationaux, internationaux, comme pouvaient l'être, par exemple, de grands historiens comme Gustav Glotz, qui a, je dirais, totalement rêvé la démocratie athénienne, par opposition à ce qu'il imaginait de Sparte. C'est passionnant comme histoire, celle de l'invention de la Grèce, c'est le titre de votre ouvrage, Patrice Brun. Écoutez cette archive, elle nous conduit en 1951, c'est Charles Picard qui parle. Charles Picard, historien, archéologue, qui est né en 1883, donc c'est un vieux monsieur qui parle et qui est porteur d'une vieille tradition, d'une vieille lecture de ce qu'a pu être la Grèce antique. Dans l'Acropole du temps de Périclès, on marche encore, environné de la force de ce génie, Phidias. Et c'est ce qu'il fait, qu'il n'y a pas d'autre ville au monde où l'art et la pensée comptent plus intensément. Notre irrévérence inévitable, moisissure sur l'épiderme des vieilles civilisations, n'épargne pas aujourd'hui les prières sur l'Acropole, dont on pourrait convenir qu'on a peut-être abusé. Mais il ne faudrait pas en venir à rebours à une certaine impiété, fâcheuse surtout pour les insensibles qui en seraient atteints. L'ère historique de l'Acropole de Périclès reste pétrie d'intelligence et de vie. En 1951, l'historien Charles Picard alors dit que peut-être il est vrai que l'on a abusé des prières sur l'Acropole. Cette référence est importante, Patrice Brun, déjà. Je dirais que c'est très bien, je dirais, pour Charles Picard d'avoir eu, je dirais, cette réflexion qui limite quand même un petit peu le poids de sa pensée générale. Oui, effectivement. Mais vous savez, on sait bien que depuis que l'histoire existe, chaque période a vu le passé selon les propres valeurs de sa période. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce que j'ai écrit là, si j'étais né, on va dire, un siècle plus tôt, je n'aurais évidemment jamais dit ça. On est tous un petit peu, évidemment, vous le savez bien, nous sommes tous le produit d'abord de notre société, de notre civilisation et de ses propres valeurs. Alors bien entendu, maintenant, la manière dont on voit, je dirais, ce que pendant longtemps on appelait le miracle grec, a bien pâli. C'est une évidence. Maintenant, on a quand même tendance à voir, je dirais, tout ce qui, dans ce miracle grec, n'était pas si miraculeux que cela. L'esclavage, la traite des esclaves, la place des femmes. Il y a 50 ans, la place des femmes, on n'en parlait pas. Et maintenant, c'est devenu, je dirais, une question vraiment fondamentale de l'histoire grecque. Donc, je veux dire, ce que Charles Picard dit est parfaitement représentatif de l'époque à laquelle il le dit, et plus encore de la période à laquelle il a été, je dirais, initié à l'histoire grecque. Oui, c'est ça, hein, c'est toujours ce décalage chronologique. Et puis, Patrice Brun, dans ce que vous venez de dire, il y a les temps différents. Celui des historiens, des historiennes, des chercheurs qui réfléchissent et qui recontextualisent, mettent en place les nouvelles problématiques, l'esclavage, les femmes. femme, et puis celui de la société, qui n'évolue pas toujours avec la même vitesse. L'idéalisation de la civilisation grecque est toujours là. Alors, je ne veux pas dire perdure, parce qu'il y aurait effet de jugement avec ce verbe-là, mais est toujours présent. C'est tout à fait évident. Quand on voit le nombre de touristes qui montent tous les ans sur le rocher sacré de l'Acropole, on se dit que, je dirais, l'histoire du miracle grec est toujours vivante. Donc je crois que il ne faut surtout pas avoir, si vous voulez, l'arrogance du chercheur qui, je dirais, sur son avant-teint peut dire oh là là que ces gens-là sont stupides. Pas du tout. Je crois que simplement, c'est vrai que l'histoire grecque nous parle encore, parce que les questions que se posaient les Grecs sont des questions que finalement nous nous posons encore. Comment, qu'est-ce que le vivre ensemble? Comment appliquer un décret ou une loi que l'on vient de voter? Tout ça, toutes ces questions sont, je dirais, fondamentales pour le principe démocratique. Je dirais, il y a une phrase que je cite d'ailleurs d'Hannah Arendt qui dit que tant que nous parlerons de politique, eh bien, nous ferons référence aux Grecs. Je crois que il ne faut pas, comme on dit vulgairement, jeter le bébé avec l'eau du bain. L'histoire grecque peut nous servir, mais à une condition, c'est de ne pas vouloir plaquer artificiellement les concepts anciens sur les concepts modernes. Les questions posées sont pertinentes. Alors, les réponses, ça c'est une autre chose, mais les questions posées sont pertinentes et elles sont pertinentes depuis longtemps. Raymond Aron. Vous savez que chez Aristote, il y avait probablement, dans la politique d'Aristote, il y avait deux ouvrages différents qui ont été conjugués. L'un était la recherche du meilleur régime possible, et l'autre était un ouvrage probablement plus sociologique, où l'on comparait les différents régimes. Eh bien, je dirais que la pensée philosophique grecque a été à la fois ces deux choses-là, la recherche du régime le meilleur et la comparaison de régimes. Et je pense que ces deux aspects sont encore les aspects fondamentaux de toute pensée philosophique appliquée à la politique, ce qui fait que les particularités de la cité grecque n'ont pas empêché le rayonnement à travers toute l'histoire de l'Occident de la mise en question des régimes. La mise en question des régimes, c'est le philosophe Raymond Aron qui s'exprimait dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident en 1958. Patrice Brun, il y a cette constante de la référence à l'antiquité grecque dans le champ politique. Alors, je dirais que maintenant, un petit peu moins quand même, hein, il faut bien le dire. Il y a dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale une peinture au plafond où a été représenté par, et pas n'importe qui, par Eugène Delacroix, Démosthène. En tant qu'avocat, on voit bien que à la Troisième République, ça avait du sens. Maintenant, sans vouloir faire offense aux avocats qui peuplent l'Assemblée nationale, ce sont plus des gens qui sont tournés vers, je dirais, les avocats d'affaires, on va dire, que des pénalistes. Hein. Robert Badinter, je dirais, devrait se sentir un petit peu seul maintenant à l'Assemblée nationale. Donc, c'est vrai que la démocratie athénienne demeure, je dirais, une référence, mais est demeurée une référence. Maintenant, on peut dire un petit peu oubliée, certes. Mais, encore une fois, les questions que la démocratie athénienne posait sont des questions qu'on entend encore à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc, je veux dire que, effectivement, la référence grecque est une référence qui peut être utile, à condition, comme je le disais, je dirais, de savoir poser les bonnes questions et de ne pas biaiser les questions qu'on peut donner. Je pense par exemple au tirage au sort le tirage au sort est une chose qui peut être tout à fait intéressante, mais je crois que c'est pas nécessaire d'utiliser l'antiquité grecque pour, je dirais, lui donner une ancienneté considérable. Oui, parce que dès que l'historien réfléchit à la déconstruction d'un mythe ou d'un imaginaire, bien sûr, il y a les arguments qui apparaissent tout de suite, qui sont ceux de la limite de la démocratie athénienne. La démocratie athénienne ne ressemble pas à ce que nous entendons par la démocratie, par exemple au moment du tirage au sort. En quoi cela est-il très très différent? C'est-à-dire que il ne faut pas imaginer d'abord que le tirage au sort à Athènes, dans la démocratie athénienne, concernait tout le monde, tous les magistrats. Les magistrats qui avaient les charges les plus importantes, qu'elle soit par exemple militaire, c'était l'élection. Au IVe siècle, les charges financières, c'est également l'élection. Mais je dirais, toutes les autres sont tirées au sort, notamment ce qu'on appelle le Conseil des 500, une sorte d'assemblée qui délibérait sur les affaires de la cité avant de les présenter au peuple qui avait le dernier mot. Eh bien, le tirage au sort avait une justification d'ordre divin. C'est-à-dire que si une personne était tirée au sort, c'est que il y avait une sorte d'acquiescement divin. Or, maintenant, on n'en est plus trop là. Les exemples, ça existe encore un tirage au sort chez nous. Les jurys d'assises sont tirés au sort. Donc, on n'a pas, tout n'est pas inventé. La conférence sur le climat a été également tirée au sort. Alors, avec des résultats, on va dire, un petit peu mitigés, bien entendu, tout simplement parce que c'est la première fois qu'on le faisait. Je dirais, choisir le panel des gens tirés au sort, c'est compliqué. Donc, il y a effectivement, dans le tirage au sort, dans l'Antiquité, un aspect, je dirais, religieux, qui n'existe plus sous nos latitudes et maintenant. Oui, alors ça, c'est sûr que ça a été mis de côté, mais la notion de tirage au sort fait partie du débat politique, comme celle de démocratie directe, l'idée que ces Athéniens se réunissaient tous, que tous participaient à la prise de décision. Alors là aussi, Patrice Brun, il y a vraiment de grandes réflexions à avoir, nécessaires de recontextualisation. Alors, il faut recontextualiser parce qu'effectivement, Athènes était une démocratie directe. C'est-à-dire qu'aucune décision ne pouvait être prise sans que le peuple, dans son entièreté, si je puis dire, soit concerné. Et quand le peuple décidait la guerre, en même temps qu'on votait la guerre, le lendemain, on prenait les armes. C'est ça, la démocratie directe. Seulement, il ne faut pas l'idéaliser. Pourquoi ? Parce que il y a à peu près, au 5e siècle, à l'époque de Périclès, environ 50 000 citoyens. On était bien content d'avoir 6 000 qui venaient à l'Assemblée du Peuple. Donc, quand on se plaint maintenant de nos démocraties représentatives avec des participations aux alentours de 50%, bien là, vous voyez qu'on en était, c'était très inférieur. Donc, déjà, il y a ce principe-là. En plus, il y a effectivement dans l'Antiquité des aspects qui plaisent à certains. Je pense par exemple à la révocation en cours de mandat. Ça existait parfaitement, ça existait, avec des exemples qui peuvent être considérés comme dramatiques ou d'autres excellents. Le dramatique, c'est celui de 406 aux Arginus, où on décide de condamner à mort, sans respecter les lois, les stratèges qui avaient combattu dans une bataille navale et qui n'avaient pas pu récupérer le corps de tous ceux qui s'étaient noyés. Donc, je dirais, la démocratie directe, c'est aussi le règne de l'émotion. Et d'une certaine manière, la démocratie représentative vise à lutter contre les émotions du peuple. Alors, on peut dire aussi que ça lutte contre le peuple. Et c'est un débat, effectivement, qu'on a le droit d'avoir. Je ne suis absolument pas certain quand même qu'il faille utiliser l'histoire grecque pour donner des réponses. Par contre, l'utiliser pour poser des questions. Oui, c'est ça l'essentiel. Parce que pour la démocratie directe, bien sûr, le temps que l'on passe à discuter et à voter, c'est du temps qui n'est pas passé au travail. Dès lors, les esclaves sont nécessaires. Aristote. Si chaque instrument était capable, que ce soit sur un ordre ou sur une intuition, de faire de lui-même son travail, comme nous le dit le poète, les statues de Dédale ou les trépieds d'Héphaïstos qui entraient tout seuls dans l'assemblée des dieux. Ou bien, si les navettes tissaient d'elles-mêmes, ou si encore les archers jouaient d'eux-mêmes sur les cithares, alors les architectes n'auraient nul besoin d'ouvriers ni les maîtres d'esclaves. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, Daniel Königsberg était aujourd'hui Aristote, la politique. Patrice Brun, oui, bien sûr, il faut des esclaves si l'on veut avoir le temps d'aller voter. Cette réflexion d'Aristote est absolument extraordinaire. Il a une intuition. L'intuition, c'est que l'esclavage est lié finalement à la nécessité d'une main-d'œuvre. Et ça montre quand même la puissance de réflexion d'Aristote. Et alors évidemment, la démocratie directe, pendant que le citoyen est à l'assemblée sur la Pnyx, il faut quelqu'un pour faire tourner son commerce, éventuellement son métier d'artisan ou être derrière l'arrière. Hein. Et ce qui suppose effectivement que la démocratie directe dans l'Antiquité va de pair avec l'esclavage. Il ne peut pas y avoir de démocratie directe sans esclavage, et plus les Athéniens sont allés vers la démocratie, et plus ils ont augmenté le nombre d'esclaves. Et ça, évidemment, ce sont des choses qui nous paraissent un petit peu étranges, parce que nous avons tendance à donner la démocratie vers le pôle le plus positif, et l'esclavage vers le point le plus négatif. Or, dans l'Antiquité, il ne peut pas y avoir démocratie sans esclavage. Cela dit, il n'y a pas que de l'Antiquité. On voit très bien quand même que la démocratie américaine, qui est la première démocratie moderne, est une démocratie qui, sans être absolument et uniquement basée sur l'esclavage, a parfaitement vécu avec l'esclavage et avec la traite. Oui, les démocraties et l'esclavage ne sont pas incompatibles, l'histoire le montre très bien. Et quand il est question de cette démocratie antique, et notamment à Athènes, nous parlons des esclaves qui ne font évidemment pas partie du corps des citoyens, mais il n'y a pas qu'eux. On pense évidemment en priorité aux femmes. L'idée que les femmes puissent participer à la vie politique est une chose qui à peu près impensable pour un grec. Tout simplement parce que il y a certainement, alors on va réfuter les termes de machisme et tout qui ne correspondent pas, je dirais, le machisme c'est quand même l'Amérique latine essentiellement hein, à une certaine période. Même si évidemment des relents peuvent exister actuellement, mais dans l'Antiquité, moi je suis plutôt j'ai plutôt l'impression que le devoir du citoyen étant de faire la guerre et que les femmes étant exclues du domaine guerrier, eh bien il n'y a que les hommes qui peuvent participer à l'élaboration de la vie politique. Mais on dirait qu'en France on le comprend parfaitement, puisqu'il a fallu attendre 1945. Pour que les femmes puissent avoir droit de vote. Donc, je veux dire, ce sont des choses que nous avons tendance à oublier, tout simplement parce que ça fait maintenant 75 ans que ça s'est déroulé. Mais on va dire que avant la Première Guerre mondiale, aucune démocratie n'avait donné le droit de vote aux femmes. Donc, vous voyez, on a là, je dirais, cet impôt du sang qui est exigé des hommes, qui va de pair avec les droits de citoyens. Et on pourrait même développer la réflexion autour du pouvoir de l'argent, de la finance, la capacité de soi-même organiser, gérer son argent, puisque en France, il faut attendre les années 1960 hein, pour que les femmes aient le droit d'avoir un chéquier. Donc c'est encore plus récent par rapport à aujourd'hui. Quelle était la place des femmes dans la cité, au-delà même de la démocratie dans la cité antique ? Alors, elle est évidemment essentielle. Je dirais ne serait-ce que pour des raisons biologiques, mais pas uniquement. Les femmes ont un rôle très important au niveau économique à l'intérieur de l'oïkos, à l'intérieur du domaine familial, parce que ce sont elles auxquelles sont dévolus les travaux de tissage. Le cas de Pénélope est bien connu, et on voit que d'ailleurs Pénélope, une reine, même si c'est un personnage fictif, elle est connue essentiellement pour ses ouvrages de tissage. Pas elle uniquement, mais on voit à quel point donc il y a un véritable, je dirais quelque chose d'absolument essentiel dans la vie économique. Cela dit, nous sommes un petit peu gênés pour connaître vraiment la place des femmes, parce que on n'en parle pas, les sources en parlent peu, on ne connaît que très très peu de noms de femmes. C'est en épigraphie, tu vois, les inscriptions que nous avons conservées, les seuls moments où pratiquement les seuls moments où nous voyons apparaître les femmes, ce sont des épitaphes. Alors, il y a des exemples fameux, comme par exemple la prêtresse Lysimaquée, qui vit au 5e siècle et qui a eu un rôle très important dans le cadre religieux de la cité. Mais pour le reste, par exemple, je dirais, Démosthène nous a laissé beaucoup de discours, bien entendu. Il nous a parlé beaucoup de sa famille. Il nous a jamais, par exemple, donné le nom de sa mère. Et c'est étonnant. Et puis d'ailleurs, le théâtre, quand il prend les femmes comme personnage principal, je pense à Aristophane, bien sûr, il y a beaucoup de moqueries ici. Ah, il y a des moqueries. Ça, c'est sûr qu'il y a des moqueries. Il y a au moins trois pièces d'Aristophane qui mettent en scène des femmes. Alors, Lysistrata, on connaît bien l'histoire. Hein, les femmes font la grève du sexe. Mais lorsque dans une autre pièce, elles prennent le pouvoir, les Athéniens s'esclaffent. L'idée de voir les femmes au pouvoir, ce sont des choses qui les font beaucoup rire. Alors que si Aristophane avait fait une comédie avec les esclaves, ça, ils auraient beaucoup moins ri. Oui. Donc on voit que, je dirais, les femmes sont complètement exclues par les Athéniens du champ du politique tel que eux le comprenaient. Tel que nous comprenons le politique, non, elles y étaient dedans. Mais effectivement, ne serait-ce que par l'aspect religieux, où elle jouait effectivement un rôle très important dans les fêtes, par exemple, à l'honneur de Déméter, où les thèmes sur la fertilité du ventre des femmes, fertilité de la terre également, elle jouait un rôle absolument considérable. Donc, c'est un petit peu, vous voyez, l'ambiguïté des femmes. Et alors, dans la tragédie, c'est une catastrophe. Je dirais, il suffit de lire Phèdre, par exemple, pour voir à quel point, je dirais, les femmes sont l'objet. Il y a, lorsque, par exemple, il y a dans Ajax Sophocle, Ajax dit à son épouse, la parure des femmes, c'est le silence. Autant dire que les femmes n'avaient pas le droit de parler. Et dans l'oraison funèbre de Périclès, il dit aux veuves, il dit maintenant il faut que vous taisiez. Une femme, elle n'aura de vertu que si on n'entend pas parler d'elle et si elle ne fait pas parler d'elle. Et cette place des femmes, au moment d'inventer la Grèce, ne posait pas de problème puisque cette Grèce a été inventée tardivement dans des sociétés où les femmes n'avaient pas non plus de place. Donc ça ne posait pas du tout de soucis. Aucun. Comme d'ailleurs, je dirais, l'impérialisme athénien ne posait strictement aucun problème aux historiens du 19e et du début du 20e siècle puisque ça correspondait parfaitement à la période de la colonisation. Donc, je dirais, on ne voyait pas où était le mal. Nous avons parlé des esclaves en marge de la démocratie dans l'Antiquité grecque. Nous avons parlé des femmes. Et là, tout le monde les attend. L'esclave, la femme et le métèque. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et tes cheveux aux quatre vents. Avec tes yeux tout délavés, qui te donnent l'air de rêver, toi qui ne rêves plus souvent. Avec tes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Jamais assouvir sa faim. Avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ta peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tout ce qui portait jupons. Avec ton cœur qui a souffert, souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire. Avec ton âme qui n'a plus la moindre planche de salut pour éviter le purgatoire. Avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et tes cheveux aux quatre vents. Tu feras de moi ta captive, ton âme sœur, la source vive que tu cherchais depuis longtemps. Tu seras mon prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons en mourir. Pia Colombo, qui en 1969 chantait le métèque, clin d'œil à Moustaki dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Grèce antique, Grèce rêvée, l'invention de la Grèce, c'est le titre de votre ouvrage, Patrice Brun. Il faut rappeler sans cesse que par un mot, quand nous disons Grèce, nous imaginons plein de choses. Déjà, non, en fait, Grèce, ce mot-là, se réduit souvent à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et oui, c'est... Alors, ça peut aussi, je dirais, se réduire à Alexandre le Grand. Ça peut aussi éventuellement être réduit à Sparte. Mais c'est vrai que, globalement, c'est Athènes. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, je parlais du tourisme tout à l'heure, c'est d'abord Athènes que les touristes du monde entier viennent visiter. Et puis, au moment de réfléchir sur l'invention de la Grèce antique a été inventée, a été imaginée à des moments différents. Alors, c'est vrai que nous avons évoqué la place des femmes dans la Grèce antique, qui n'a pas posé de problème aux sociétés qui, elles-mêmes, occidentales, contemporaines, mettaient les femmes de côté. Alors, c'est sûr que là aussi, il faut mettre en place la grande différence qui existe, parce que pour la France, le droit de vote des femmes, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est sûr que il y a des tentatives de vote des femmes dès le 19e siècle, un peu partout dans le monde, mais toujours en marge. Mais c'est la même chose pour la Grèce antique, c'est-à-dire que ce sont des cités, il y a plein d'expériences. C'est peut-être ça aussi qui intéresse plus dans l'invention de la Grèce, c'est les expériences. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des... La Grèce, elle est multiple, ce n'est pas qu'Athènes, c'est multiple, et vous avez des personnages qui, de ce point de vue-là, sont extraordinaires, comme par exemple Aspasie. Aspasie qui a été la compagne de, la compagne de Périclès, et qui passait pour être aussi, je dirais, pratiquement une philosophe. En tout cas, Platon la met en scène dans le Ménexène, et on voit que Socrate la tenait en haute estime. Donc, je veux dire, quand on parle des femmes, quand on parle des expériences, je ne crois pas que qu'Aspasie puisse être réduite à une forme d'expérience de la Grèce, puisque il y a Aspasie, puis après c'est tout, quoi, je veux dire. On voit à quel point, je dirais, même Platon, qui est pas un fervent défenseur de la démocratie, hein, finalement met en scène Aspasie comme si finalement elle était un citoyen, puisque c'est elle qui, devant Socrate, rapporte une oraison funèbre que peut-être Périclès allait prononcer. On voit qu'il y a, je dirais, ne serait-ce qu'au travers de cette vision d'Aspasie, l'idée que finalement une femme peut avoir une réflexion politique. Alors ça va pas très très loin, on est bien d'accord, hein, mais effectivement cette expérience-là, elle peut exister, comme il a existé également d'autres expériences. Et d'ailleurs, la démocratie athénienne elle-même est une suite d'expériences. Il ne faut surtout pas imaginer que la démocratie athénienne est arrivée comme ça un jour de 508, au moment de Clisthène, l'Athénien, avec ses réformes, où la démocratie est tombée toute faite et sortie un petit peu comme ça, ex nihilo, comme Athéna jaillit du crâne de Zeus. Non, ça a été une suite d'expériences qui a duré un siècle et demi, avec des amodiations régulières. Et puis, toujours dans cette idée de construction, de contextualisation, la chronologie est essentielle, le temps passe et la géographie aussi est essentielle. Il y a des clichés qui se mettent en place. Athènes, la démocratie, Sparte, beaucoup moins rigolo. Voici une terre où les faibles sont asservis et massacrés. La violence est le quotidien de chaque homme. Pour les femmes, mieux vaut un époux mort qu'un époux vaincu. Ici, les enfants savent qu'ils sont châtiés pour leur propre bien, battus parfois à mort. Voici le royaume guerrier légendaire de Sparte. Rien ne semble le destiner au rôle de sauveur du monde libre. Le berceau de la civilisation occidentale est attaqué. Le roi Xerxès de Perse et son armée de plus de 250 000 valeureux soldats envahissent la Grèce. La première grande bataille entre l'Orient et l'Occident va transformer les Spartiates esclavagistes et leur roi Léonidas en glorieux héros. Pendant plus de deux millénaires, leur résistance héroïque sera une légende. Celle des Spartiates dans le défilé des Thermopyles. Un extrait du documentaire Les Spartiates, un documentaire de 2003 de Richard Betzer. Dites-nous, Patrice Brun, voilà, il y a tout. Oui, effectivement, il y a... Il y a beaucoup. Oui, enfin, il y a pas tout, mais il y a quand même, je dirais, l'essentiel des pensifs sur Sparte, là, qui est absolument extraordinaire. Et le film Les 300, par exemple, les modèles presque, je dirais, jusqu'à la beauté, je dirais, en tout cas jusqu'à l'esthétisme le plus poussé. Il y a tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est avec mes étudiants, je les avais amenés voir les 300, hein, voir les 300, et puis on avait fait un débrief ensuite pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait de vrai, qu'est-ce qu'il y avait de vraisemblable, qu'est-ce qu'il y avait de faux. On avait fini par montrer que tout presque était faux là. Le berceau de la civilisation occidentale, des Spartiates esclavagistes, la liberté de la Grèce. Il y a tout effectivement. On est dans un rêve. Le bien, le mal aussi. Ouais. Un monde extrêmement divisé. Alors, qu'en est-il de ce Grec antique quand il regarde le monde? Nous évoquons souvent le barbare, c'est l'autre. Est-ce vrai? Disons que ça n'a pas toujours été. Et ça ne le sera pas toujours. Le barbare naît vraiment dans le monde grec, et surtout à Athènes, hein, où nous avons les textes les plus importants, au moment des guerres médiques. Voilà. Il faut savoir que barbare, ça ne veut pas dire cruel hein, en grec. Barbare, c'est d'abord une onomatopée qui indique quelqu'un dont on ne comprend pas le langage. Donc, c'est effectivement le nom grec. Mais la barrière entre les Grecs et les barbares naît vraiment dans la décennie des guerres médiques entre 490 et 479. Voilà. C'est ça, ce monde grec qui nous intéresse aujourd'hui dans cette invention, où il y a toute une lecture à faire justement entre l'inclusion des uns des autres ou l'exclusion. Alors le métèque, nous l'avons dit, l'esclave et les femmes aussi exclus de la vie politique, les jeunes, les vieux. Quelle est cette lecture, Patrice Brun, que l'on peut faire dans la construction de la Grèce, dans l'invention de la Grèce? Mais je crois que de toute façon, comme vous l'avez dit, grec et barbare correspond à une division qui fait partie du schéma binaire dans lequel vivaient les Grecs. Il y a les hommes et les femmes, les citoyens et les non-citoyens, les jeunes et les vieux. Mais ça va aussi en géographie. On oppose les auteurs opposent la terre et les îles, l'Europe et l'Asie. Les Grecs vivent vraiment sous un mode absolument binaire. Les hommes et les dieux étant peut-être l'une des plus révélatrices de ce monde binaire. Donc ça ne devait pas être facile à vivre pour les Grecs quand même. Hein. Je veux dire que la schizophrénie devait en guetter pudeur. Hein. Je ne suis pas psychanalyste, et je ne me suis jamais penché sur vraiment là-dessus, mais quand même, ça ne devait pas être facile à vivre. Je dirais, finalement, être en permanence entouré de l'autre. Puisque les seules personnes auxquelles on pouvait se référer, ce sont les citoyens, et encore à condition qu'ils fussent des amis, et non pas des ennemis. Et au moment où la Grèce est inventée au sens où elle est revisitée tardivement, même dans nos sociétés contemporaines, il y a certaines exclusions qui sont compréhensibles et qui sont acceptées, et puis d'autres qui sont écartées. En fait, cette Grèce inventée, c'est un peu un buffet à volonté, où on se sert, on met un peu ce qu'on veut. Alors, on le voit par exemple, puisque vous avez cité les métèques, on voit très bien comment, à une certaine époque, le terme de métèque, qui en grec, n'est absolument pas péjoratif. Mais alors, vraiment pas. Ça vit simplement celui qui vit avec les citoyens, qui vit aux côtés des citoyens. Bon, c'est ce que le terme est devenu dans la première moitié du XXe siècle. Le métèque, c'est l'étranger, c'est l'autre, c'est le différent et c'est l'inférieur. Donc, voyez, là aussi, c'est pas un hasard si on a utilisé le terme de métèque qui, finalement, désignait quelqu'un qui n'était pas citoyen. Et lorsque une certaine extrême droite a voulu stigmatiser l'étranger, il a utilisé, en le déformant, un terme qui était à l'origine un terme parfaitement neutre. Ouais, tout simplement parce que c'est une histoire de mots, une histoire de représentation. Et dès qu'il est question de représentation et des Grecs, ben, tout de suite, nous voyons les clichés arriver. Le livre de Dover, qui s'intitule « L'homosexualité grecque », va paraître dans quelques jours aux éditions de La Pensée Sauvage. Et c'est un livre extrêmement important, Foucault le souligne, dans la mesure où il montre que, à la fois, il n'y avait pas cette soi-disant tolérance, mais surtout que l'homosexualité n'est pas quelque chose de précis et de déterminé. C'est une sorte de matériau sexuel avec lequel chaque culture travaille différemment. La culture grecque s'en est servie, il y avait de la tolérance. Il y avait non seulement de la tolérance, mais même une indulgence et même une nécessité de passer par l'homosexualité dans la mesure où la distribution des rôles dans la société grecque passait par le clivage activité-passivité. Et l'homosexualité permettait d'exprimer et d'incarner ce partage des rôles. Oui, mais je crois quand même que le fait d'être actif donnait une responsabilité dans la société et le fait de passif, non. Alors, tolérance peut-être, mais drôle de tolérance quand même. Ben voilà, tiens, drôle de tolérance quand même. C'est un dialogue entre Roger Dadoun et Antoine Spire en 1982 autour ben justement de la question de l'homosexualité dont venait de se saisir le philosophe Michel Foucault. Alors, Patrice Brun, helléniste. Vous êtes sans cesse confronté à ça, parce que alors là, dans le cliché populaire, dans la blague récurrente, les Grecs, c'est l'homosexualité. Ah oui, alors c'est absolument terrible. Vous avez cité au début de l'émission la question d'un étudiant qui m'avait posé, est-ce qu'ils étaient tous homosexuels ? Et c'est vrai que dans l'imagerie populaire, l'expression « va te faire voir chez les Grecs » est d'une clarté absolue. Les Grecs n'étaient pas plus homosexuels que nous. Hein, par contre, il y avait quelque chose de tout à fait différent, alors là, qui heurte évidemment nos consciences, c'est qu'on peut dire sans aucun problème qu'ils étaient ce qu'on appelle pédophiles. Mais c'est pas une pédophilie sauvage, si vous voulez, et criminelle, telle qu'on peut l'imaginer maintenant. Ça fait partie de certains processus éducatifs entre un homme mûr, alors pas trop vieux quand même, hein, il faudrait pas qu'il dépasse ses 40, 45 ans quand même, et puis un jeune qui serait entre 12 et 16 ans, où il y a, je dirais, un principe éducatif qui se fait, avec, il ne faut pas le nier aussi, un certain nombre des relations sexuelles, et donc homosexuelles. Parce qu'évidemment, ces relations se déroulent toujours entre un homme et un jeune garçon. Absolument pas une fille, là vraiment le monde des filles est complètement différent. Et donc, ce que nous maintenant nous condamnons, je dirais évidemment avec nos valeurs à juste titre, faisait partie d'un principe éducatif des Grecs, on voit, enfin, vous avez dans le livre, je cite des auteurs, hein, où on voit par exemple Démosthène écrire un Eroticos dans lequel il vante le corps de son aimé, ou Échine, l'orateur Échine, qui en plein procès dit oui, moi je me suis battu pour des gamins, oui, mais c'est bien, non ? Et là, c'est quelque chose tout à fait qui nous surprend complètement, quoi. On est là, mais on tombe, parce qu'effectivement, je vous dirais que mes professeurs, lorsque j'ai commencé jusqu'en licence, ne m'en ont jamais parlé. Et on en parlait, maintenant on en parle, comme vous dites, la parole s'est libérée. Le livre de Kenneth Dauvin sur The Greek Homosexual, qui a été traduit en français en 1982, mais le livre de Sandra Bourringer sur l'homosexualité féminine, je dirais pas, on brisait des tabous. Non, c'était pas des tabous, mais c'était des non-dits, on va dire. Ça n'intéressait pas. Or, on s'aperçoit que les relations sexuelles, l'éros en général, est un élément constitutif de la pensée grecque. Patrice Brun, vous êtes professeur émérite d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne, et justement, j'ai dit émérite, mais je ne donne pas d'âge. Mais non, mais c'est ça. C'est que vous avez vu aussi cette évolution. Si nous continuons à parler de la sexualité, de l'homosexualité dans la Grèce antique, c'est vrai qu'il y a un temps où ce qui était lu, c'était des relations entre hommes qui pouvaient être condamnés. L'âge n'entrait pas plus que ça en ligne de compte. Aujourd'hui, c'est l'âge qui compte. Quel âge d'ailleurs pour les jeunes gens ? Je vous dis entre 12 et 16 ans. 12 et 16 ans. C'est ça, c'est cette évolution-là, et c'est surtout ces nouveaux sujets d'études. L'invention de la Grèce nous parle de la Grèce, évidemment, mais surtout nous parle de nous ou des différentes sociétés qui ont inventé cette Grèce. Oui, bien sûr. Lorsque j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit, évidemment, je dirais, avec la manière dont nous voyons, pas uniquement moi, dont nous voyons maintenant le monde, et puis aussi avec l'arrière-plan qui est celui de tous mes étudiants, de tous les étudiants qui n'ont cessé de poser des questions sur la vie politique, sur la sexualité aussi, mais sur toute une série de choses auxquelles, finalement, on ne pense pas tellement. Alors, évidemment, on pense en priorité aux femmes, mais c'est vrai que j'ai été amené un jour à leur faire un cours sur l'étranger depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Tout simplement parce que, visiblement, pour eux, il y avait un petit problème. Alors, ça se passait dans les années 90, au moment de « Touche pas à mon pote », vous voyez, des choses comme ça. Et on a essayé de voir comment la figure de l'étranger, y compris en Grèce, pouvait varier. Quand on est chez Homère, l'étranger, c'est celui que l'on accueille. C'est celui que l'on accueille. Le xénos, qui veut dire étranger en grec, veut dire également hôte. L'ambiguïté du terme grec, je dirais d'une certaine manière, de cette ambiguïté du terme découle aussi toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir sur le mot xénos et puis sur le mot étranger, tantôt accueilli, tantôt rejeté. Alors là, effectivement, ça nous dit beaucoup sur notre société. Ça nous dit beaucoup sur notre société, sur ce vocabulaire, Patrice Brun, qui est au cœur de l'échange, au cœur même de la discussion. Mais c'est l'imprécision aussi, c'est un mot sorti de son contexte et utilisé qui fait toute cette réflexion, en fait. Le problème que nous avons avec l'histoire grecque, c'est qu'effectivement, on sort la plupart du temps les mots de leur contexte. C'est-à-dire, on a parlé de Sparte tout à l'heure, on voit comment Sparte a été utilisée par une partie de, enfin, on va dire l'extrême droite, pour simplifier, depuis Maurice Barrès, et jusqu'à maintenant, puisque vous avez un groupe identitaire qui s'appelle Génération Identitaire, qui, dans son logo, utilise un lambda. Et le lambda, c'était ce qui décorait en quelque sorte le bouclier des Spartiates. Donc on voit comment on peut sortir quelque chose de son contexte pour le faire adhérer à ses idées. Bon, là, c'est vraiment, on n'est plus dans une sorte de comparatisme utile, mais on est dans le profond anachronisme, et l'anachronisme revendiqué pour des raisons politiques. Et là, effectivement, ça fait beaucoup de mal à la Grèce. Et puis, dans le monde politique qui est le nôtre, ces réflexions sur l'Antiquité grecque vous paraissent moins nombreuses déjà? Ah oui, beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Si vous voulez, par exemple, quand on voit qu'il y a presque un siècle de cela, Clémenceau a écrit une biographie très romancée de Démosthène, je m'aperçois que tous les hommes politiques qui, depuis, je dirais, une vingtaine, une trentaine d'années, écrivent des biographies, reste dans le domaine purement français. Alors pourquoi? Comment on pourrait l'expliquer ça? C'est parce qu'il y a le travail des historiens, des historiennes a porté ses fruits. On ne peut plus dire n'importe quoi sur la Grèce antique en disant que c'est un modèle. C'est possible, mais je crois que chaque homme politique veut, comment dire, s'approprier les qualités d'un personnage. Je vois par exemple lorsque François Bayrou a écrit Henri IV, il pensait à la mairie de Pau. Lorsque Alain Juppé a écrit Montesquieu, il pensait à la mairie de Bordeaux. Voyez, il y a des lorsque Jack Lang a écrit une biographie de François Ier en tant que, je dirais, presque patron des arts, il pense évidemment à François Mitterrand. Oui, et puis Blois, et puis ça tombait bien. Ah ben oui, bien sûr. Non mais voilà, non mais c'est une histoire passionnante en fait, hein, celle de l'invention de ce que nous connaissons, de ce qui fait presque notre quotidien, notre imaginaire. Patrice Béhin, merci beaucoup. L'invention de la Grèce, c'est publié chez Odile Jacob. Nous avons tendu les perches, mais il y en a beaucoup d'autres encore à explorer dans votre ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Est-ce aux historiens de changer le nom de nos rues? En mars 2021, une commission d'experts présidée par l'historien Pascal Blanchard a rendu un rapport intitulé « Portrait de France » proposant 318 noms issus de la diversité, comme on dit maintenant, pour renouveler les noms que les Français donnent à leurs rues. Ce document sera proposé aux maires pour qu'ils s'en inspirent quand ils devront nommer ou renommer une rue. Il s'agit là d'un travail mémoriel que je trouve d'autant plus utile que j'ai moi-même contribué à une entreprise de ce genre, il y a une vingtaine d'années, en participant à la mise en place de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, la CNHI, devenue aujourd'hui un musée. Néanmoins, le texte qui introduit ce recueil souffre d'une absence de réflexion sur les rapports entre histoire et mémoire. Je me souviens que le conseil scientifique de la CNHI avait beaucoup réfléchi à cette question. Nous en avions conclu que notre rôle n'était pas de défendre telle ou telle cause identitaire, mais d'enrichir la mémoire collective en mettant à la disposition du grand public et, dans un langage accessible à tous, les travaux scientifiques qui prouvent le rôle essentiel que l'immigration a joué dans une histoire nationale française ouverte sur le monde entier. Le recueil « Portrait de France » répond pour sa part à des préoccupations d'ordre identitaire qui sont nées dans le champ politique. Dans plusieurs interviews, le président de la République a tenté d'expliquer les actes de ceux qui déboulonnent les statues pour dénoncer le passé colonial de la France en disant « Mais il y a toute une part de notre histoire collective qui n'est pas représentée, il y a toute une part de notre histoire qui parle à notre jeunesse qui est noire, venant d'Afrique ou ultramarine ou maghrébine et qui a ses héros. » Et il a ajouté « Ce que je voudrais, c'est que justement les historiens et ceux qui se retrouvent dans ces histoires fragmentées puissent les choisir, et qu'on ait 300 à 500 noms, et qu'on ait ce catalogue d'ici à mars, et qu'on en fasse des noms, des statuts. » On a là un exemple typique de discours mémoriel définissant l'identité des personnes à partir de leur origine. Cette logique identitaire se retrouve dans le choix des personnalités figurant dans ce recueil, puisque l'origine et le genre sont les deux critères qui ont été privilégiés. Leur appartenance sociale apparaît souvent dans les notices biographiques, mais celle-ci n'est jamais présentée comme un critère de diversité sans qu'on sache pourquoi. Parmi les autres problèmes que pose ce recueil, je voudrais dire un mot sur la finalité de l'entreprise. Emmanuel Macron a justifié ce projet en affirmant qu'il fallait donner des noms issus de la diversité à nos rues pour faciliter l'intégration des jeunes des quartiers populaires dans la communauté nationale. Cet argument n'est nullement nouveau. Depuis plus de 30 ans, une multitude d'initiatives financées par l'argent public ont été prises, que ce soit au niveau national ou au niveau local, pour favoriser cette diversité mémorielle. Apparemment sans résultat, puisque le président lui-même revient à la charge aujourd'hui. Il faudrait donc faire un bilan de ces entreprises mémorielles en mobilisant les outils que nous offrent les sciences sociales. Cela nous permettrait de mieux comprendre comment les jeunes des quartiers populaires s'approprient ou ne s'approprient pas les discours mémoriels que produisent et diffusent les élites. Eh bien voilà, merci beaucoup Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Sophie Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, où vous retrouvez également le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.